Garde un regard sombre sur le monde, mais garde un regard clair sur la terre. Ouais. Quand un peuple innocent devient un peuple en sang, on n'épargne ni femme ni enfant, le dictateur c'est du puissant. Les guerres fratricides sont les suicides des races, ça les étrasse à ceux qui vivent mais pas à ceux qui embrassent. L'oseille dans les poches, les chefs d'état, l'état des rues, le choléra, la malaria pour une vie grosse caïra. En Haïti, ici ça canate pour de vrais cousins, des vents en train de regarder BT. Des cicatrices sur le vécu, un regard profond. Pour toi la vie c'est ambigu, t'as grandi sous les peupons. Plus j'évolue, plus CFA, j'évalue, l'épargne révolue. J'ai des cousins qui crèvent, tu balues. Le typhon en Asie, le génocide nazi. Les frères qui se tuent au Rwanda, on m'a dit que le Brésil c'est l'asile. Tchad, Liberia, Congo, Somalie, Angola, Tchétchénie, Rwanda et Arménie. Envoie SOS à l'ONU, en théorie c'est eux qui gèrent. Sur terre les hommes ont fait d'une bible l'art de la guerre. Et chaque jour elles sont d'abord diplomatiques, mais tous savent bien que sur le terrain les droits de l'homme sont dans l'automatique. Tu sais très, je comprends ton mal, vas-y lâche-toi. Vas-y crache tes doléances lyricales d'une vision laide comme l'Erika. Et j'aimerais dire Dieu, que la nature est belle quand elle n'est pas humaine, mais ce serait faux car on n'est pas tous les mêmes. Ça devient dark show au Darfour, ouais. L'esclavage pas génocide parce qu'on n'est pas passé au four. L'homme tu l'homme, l'argent tu l'as. Tu fais tout pour le gain et tu regrettes tous tes actes quand tu l'as. Si tu t'exprimes en calme, coup de fouet et déporté. Débordé, l'esprit de mes ancêtres vont t'éventrer. Comment comprendre un corps de levant, les jambes écartées, souillées d'excréments, de sperme et de sang. Kigali n'est qu'un exemple. C'est dur à comprendre quand pour ta race de vie on t'exemple. Et personne n'a pu sauver les Arméniens d'Istanbul fusillés. Ils sont morts dans la boue. Le commanditaire et l'homme et sa connerie. La raison et la croyance de supériorité de son ethnie. Ça commence par les handicapés, finit par un peuple. Les Allemands veulent aux Juifs le cadeau empoisonné d'humeur. Donne le monde aux imbéciles et il tremblera. Ils ont testé les camps de concentration sur notre Africa. Le SIDA en éprouvette pour nous éradiquer. C'est pour ça que je suis radical, qu'ils aillent tous se faire niquer. Malgré tout, y'a des gens bien qui font le monde comme nos pères et nos mères. Aident comme ils peuvent, sans pour autant s'appeler l'abbé Pierre. Malgré tout, y'a des Martin Luther, des Gandhi, des mères Teresa, des grands Mandela, des gens. Malgré toi des détonateurs, généraux donateurs qui donnent des sommes. Œuvre pour l'amour de Dieu et non la haine des malgré hommes. Tout, un tas de gens qui aident sans rien demander en retour. Je te jure, frère, même si ça paraît dingue, je vais pas faire le grand club pendant qu'il y a une grosse croix gammée sur le globe. On s'entretue en se refilant le sida et en fumant des clopes. Tout le monde sait que Bush n'est qu'un vilain démon. C'est la guerre des mondes, des pays des mondes, à coups de bombes nucléaires. Je vais pas m'étendre sur le chapitre du 11 septembre. Tu récoltes ce que tu sèmes parce qu'on embrouille jamais les mecs tendres. Jamais. Un petit Irakien fait une guerre qu'il a pas choisi. On sent le même sentiment à Sarajevo ou bien en Bosnie. Drôle d'humour en Angleterre. Pour faire une blague, le prince héritier se déguise en Hitler. Le monde part en couille, je lui prête mes boules. Cachez vos enfants avant qu'un putain de prêtre déboule. Donc j'en place deux pour les guerriers du feu comme pour les prix Nobel et tous ceux qui à leur façon restent rebelles. Les ONG, handicap et solidarité internationale, c'est vers Croix-Rouge, secours et soupe très très populaire. Des jeunes et des moins jeunes qui cassent leur pipe dans l'humanitaire. Bénévoles, infirmiers et infirmières, médecins du monde et sans frontières. Qui viennent en aide aux victimes de famine et jeteurs de pierres, mutilés de guerre. Et enfin, paix à toutes les actions contre la faim, faites par ceux qui n'attendent pas un tsunami pour aider un humain. Salut l'action des restos dans un vrai rappeur ne fera jamais les cœurs à croire qu'on en trouve pas dans du sniper. L'escadrille. Fais qu'un constat de guerre comme CNN. T'as peut-être raison, frère. Faut relativiser. Y'a des mecs qui ont fait des choses bien. C'est peut-être pas qu'un monde d'enculés. Fais qu'un constat de guerre comme CNN.